Presque un demi-siècle de violence ininterrompue. Voilà ce qu'a connu l'Ouganda, un pays de l'Est africain qui est pourtant devenu l'un des plus prospères de la région, sans toutefois connaître vraiment la paix, puisqu'une curieuse et sanguinaire guérilla continue à semer le trouble dans le Nord. Une guérilla menée par un illuminé, un inquisiteur quasi dément qui, au nom de son ou de ses dieux, torture et massacre depuis plusieurs années. Et si l'armée ougandaise, forte de 100 000 hommes, réussit plus ou moins à contenir cette rébellion, il n'empêche que celle-ci a réussi à essaimer au Sud-Soudan, au Congo et même en Centrafrique où elle a partie liée avec des opposants locaux. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que l'armée française vient d'intervenir récemment dans ce dernier pays. Un rappel d'abord. En 1979, l'Ouganda, à peine délivré du régime cauchemardesque d'Idi Amin Dada, sombre dans une guerre civile et ethnique qui va provoquer la mort de centaines de milliers de personnes. Mais un homme va s'imposer, Yoweri Museveni, un dirigeant qui, à peine sorti des maquis où il combattait, se débarrasse de ses oripeaux marxistes et ne tarde pas à se rapprocher des États-Unis qui ont un œil sur la région. En effet, l'Ouganda, situé à la marge du monde musulman, peut jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l'islamisme. Et il est certain que le pays doit une partie de sa récente prospérité aux excellents rapports qu'il entretient avec l'Amérique. Monsieur X revient sur cette histoire et pose une question essentielle. Pourquoi l'armée ougandaise, nombreuse et bien équipée, n'arrive-t-elle pas à éliminer cette guérilla mystique d'un autre âge qui s'est affublée du nom d'armée de résistance du Seigneur? Elle s'appelait Alice Oma, mais cette jeune femme avait choisi de se nommer elle-même Lakvena. Ce qui veut dire ça? Lakvena, dans la langue des Atsoli, une ethnie du nord de l'Ouganda, c'est le messager, autrement dit, pour cette population christianisée, l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, dès 1986, cette prophétesse va créer une organisation, le mouvement de l'Esprit Saint, qui va aussitôt mener une véritable croisade contre le mal, incarnée par le nouveau pouvoir installé à Kampala. C'est-à-dire le gouvernement du président Museveni. Et comme toujours en Ouganda, c'est la question ethnique qui explique tout. Et m'avez-vous dit la semaine passée, c'est d'abord le colonisateur britannique qui a exacerbé ces rivalités ethniques. Bon, alors n'y revenons pas. Museveni est un homme du Sud. Sa mère est d'ailleurs rwandaise. Ouais, ce qui explique sans doute le soutien qu'il apportera aux combattants Tutsi du futur président Kagame. C'est certain. Sudiste, Museveni, dès qu'il conquiert le pouvoir, est tout de suite soupçonné par les ethnies nordistes de vouloir prendre sa revanche. Logique, oui. En effet, depuis l'indépendance, ce sont les nordistes qui ont dirigé le pays, à commencer par Obote et Amin Dada, qui n'ont jamais hésité à réprimer dans le sang les revendications sudistes. Ces ethnies du Nord ont donc tout à craindre. Oui, même si Museveni a tout de suite annoncé son intention de mettre fin à la guerre civile. Un vœu pieux. Non seulement ses troupes s'installent en force dans le Nord, suscitant l'hostilité des populations, mais sa victoire a provoqué une véritable débandade chez ses adversaires. Et des bandes armées, formées en particulier d'anciens partisans d'Idi Amin Dada, pillent systématiquement ces mêmes régions du Nord et vivent sur l'habitant. Et puis il y a le sida, qui prolifère et crée de véritables ravages. Ah, c'est donc le chaos. Et un climat de violence propre à favoriser l'éclosion d'un mouvement mystique tel que celui d'Alice Lakvena. Un mouvement qui est donc d'inspiration chrétienne. Et millénariste. Ouais. Ouais, millénariste, ça veut dire l'attente du royaume du Christ, l'apocalypse et puis le jugement dernier. Ouais, il faut bien reconnaître que pour ces pauvres gens, l'apocalypse, c'est leur quotidien. Mais la religion prêchée par Alice s'emprunte aussi beaucoup aux croyances africaines traditionnelles. Quoi, la sorcellerie? Et les rites de purification. Oui, elle réussit à persuader ses adeptes qu'elle possède les moyens de les rendre invincibles à l'aide d'une huile qui repousse les balles. Tandis que Lakvena, elle, sait guider les balles vers les bataillons ennemis. Oui, parce qu'elle va aussi créer une armée, alors. Une troupe qui va combattre par les armes les forces du mal. C'est une sorte de guerre sainte, alors, qu'elle veut entreprendre. Exactement. Mais où les soldats sont des va-nu-pieds qui parfois ne possèdent même pas une arme à feu. Enfin, peu importe. Lorsque Bible à la main, on chante des cantiques, on ne risque rien. La foi est plus forte que la puissance de feu. En tout cas, Alice Lakvena rassemble très vite autour d'elle des milliers d'adeptes prêts à combattre pour sa cause. Et qui sont-ils alors? Oh, le recrutement est très varié. On trouve là d'anciens militaires, tous ces rescapés des conflits passés, des hommes détruits par les guerres civiles. Et puis aussi, il faut bien le dire, d'anciens soldats qui, sous les régimes d'Obote et d'Amin Dada, se sont rendus coupables de crimes de guerre. Pour ces hommes déconsidérés et parfois rejetés par leur propre tribu, l'engagement dans l'armée de la Guenas, c'est la promesse d'être lavés de leurs péchés. D'autant que la prophétesse, à la différence des autres chefs de guerre, impose une relative discipline. Ce qui signifie, hein ? Mais elle proscrit formellement les viols et les pillages, et bien sûr les massacres. Mmh. Oui, pour une chrétienne. Enfin bon, quand passe-t-elle à l'action ? Au cours de l'été 1986, et contre toute attente, ces combattants en guenilles commencent par remporter des victoires et s'assurent le contrôle de deux districts du Nord. Quoi, c'est la foi qui les porte ? La foi et les prêches interminables d'Alice Lagvena, prophétesse très charismatique et qui enthousiasme ses fidèles lorsqu'elle parle de purger le monde du péché et de créer un monde nouveau où l'homme serait réconcilié avec la nature. Elle était écolo aussi. Bon, écoutez, je n'irai pas jusque-là, non, mais il est vrai qu'elle acquiert un vrai pouvoir sur ses fidèles. Une sorte d'envoûtement, ça. Oui, c'est exactement ça, un véritable phénomène de possession. Alors, forte de ses premiers succès, Alice, qui ne doute pas de sa victoire finale, décide de poursuivre sa croisade et en octobre 1987, lance ses troupes sur la route de Kampala. Mm-hmm. Combien d'hommes ? Plusieurs milliers. Mais la désillusion est à la hauteur de l'espoir que Lagvena a suscité parmi les populations nordistes. À 50 kilomètres de la capitale ougandaise, l'armée de Museveni surgit et taille en pièces la misérable troupe de la prophétesse. Fin de l'aventure. Et de la guerre magique entreprise par Alice Lagvena. Dépitée, cette femme singulière s'exile au Kenya, où elle vient récemment de mourir dans un camp de réfugiés. Alors même que Museveni, désireux d'en finir avec ses rébellions mystiques, l'avait autorisé à revenir en Ouganda. Parce que, enfin, si je vous ai bien entendu, d'autres prophètes vont se lever et prendre la succession d'Alice. Oui, et d'abord le propre père d'Alice. Cependant, celui-ci n'a pas le charisme de sa fille et l'affaire tourne court. Alors, un autre messie se dresse. Un homme autrement plus redoutable. Joseph Kony. Qui se présente comme étant le neveu d'Alice. Et c'est vrai, ça ? Non, mais Kony espère ainsi que rejaillira sur lui un peu de l'incontestable prestige de la prophétesse. Mmh. Un prestige qui perdure hein, malgré l'exil de la prophétesse. Oui, oui, oui. Pour les populations déshéritées du Nord, Alice Lagvena est restée une idole. Et le jeune Kony entend bien s'en servir. Mmh. Alors, qui est ce Kony, ce personnage-là ? D'origine nordiste, un Acholi. Il prétend très tôt faire profession de prophète, mais dans sa région natale où pullulent les pasteurs pentecôtistes, ça n'impressionne guère les habitants de son village qui finissent par le rejeter. Pour survivre, Kony devient un petit voyou qui multiplie les méfaits. Puis, pour faire une fin, il s'engage dans les rangs d'une rébellion armée qui regroupe les partisans du président renversé par Museveni et a été créée par un ancien ministre d'Amin Dada, un certain Juma Oris, décédé depuis d'ailleurs. Beau parleur, Kony s'accorde à lui-même le titre de mobilisateur spirituel. Mobilisateur. Quoi, il est chargé de galvaniser les troupes. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Et puis, il a un coup de génie. Il affirme être habité par l'esprit de ce Horis. Ah oui. Et ça marche, ça ? Il se montre suffisamment persuasif pour regrouper autour de lui un bon millier d'hommes. Autant de gens qui se persuadent peu à peu que Kony est vraiment doté de pouvoirs surnaturels. Et puis, quand la parole ne suffit pas, il y a la violence. Ouais. Kony est donc, dès le début, un adepte de la manière forte. Parce qu'il faut convaincre et recruter, aucun procédé ne lui fait peur. En tout cas, ce n'est que l'ébauche de ce qui deviendra, après avoir porté beaucoup d'autres noms, l'armée de résistance du Seigneur, la LRA en anglais. Un mouvement armé qui doit son succès à l'échec de celui d'Alice Lagvena. Oui, parce qu'il y a là un vide qu'il faut boucher. Et pour l'essentiel, Kony va reprendre une partie de la thématique de la prophétesse. Par exemple, le combat pour les 10 commandements. Pour un adepte de la violence, c'est pour le moins furieux. En effet, mais Kony n'est pas une contradiction près. Il y a toutefois une différence entre lui et Alice. Les motivations de cette dernière étaient surtout religieuses. Kony, lui, du moins au début, a des visées politiques. Il se présente comme le défenseur de l'ethnie Acholi et il imagine pouvoir créer un État chrétien dans le nord de l'Ouganda. Mais il renoncera assez vite à cette utopie, même si son armée se donne une représentation extérieure et apparemment respectable. Ouais, quoi, c'est une sorte de gouvernement en exil, hein ? En tout cas, une branche politique composée d'une poignée d'anciens ministres qui rêvent tous de renverser Museveni. Mais sur le terrain, Kony ne dispose pas des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Bien entendu. Aussi abandonnant ses ambitions politiques, même s'il n'en conviendra jamais, il finira par se livrer surtout au pillage, à la déstabilisation de sa région natale, bref, à s'abandonner à sa folie meurtrière et sectaire. Une lutte parfaitement vaine, si je vous comprends bien. Oui, mais enfin, qui satisfait son ego de chef tout-puissant ? De gourou. Un gourou qui a droit de vie et de mort sur ses disciples, oui. Un long article de Sandrine Perrault, paru dans l'annuaire de l'Afrique orientale 2005, décrit parfaitement le système de Joseph Kony. Kony est un leader totémique autour duquel s'est construit un culte de la personnalité. Il est décrit à la fois comme lunatique, imprévisible et charismatique, et inspire aux combattants un sentiment d'admiration mêlé de crainte. Sa vie est sciemment entourée de mystères et rares sont ceux qui l'ont vu en personne. Son invincibilité, entre guillemets, connue plusieurs fois échappa de justesse à des embuscades de l'armée, et ses pouvoirs mystiques donnent aux hommes de la LRA la conviction de sa supériorité militaire et terrorisent ses ennemis. Son pouvoir s'appuie sur une topographie mystique. Lorsqu'il se sent faible, Kony organise des sacrifices dans la montagne, effectue des pèlerinages sur les collines et fait des rivières des lieux de purification. Même au-delà des rangs de la LRA, beaucoup sont convaincus que Joseph Kony possède des pouvoirs spirituels puissants mais dangereux. À l'intérieur des camps rebelles, les commandants président à l'organisation des interventions de Kony. Tous frappent dans leurs mains jusqu'à ce que, soudain, ils entendent la voix de Kony. Ils ne le voient pas, mais ils l'entendent, rapporte un ancien instructeur de la LRA. Les apparitions de Kony sont théâtralisées et minutieusement mises en scène, vêtues d'un kansu blanc, un rosaire autour du cou, les cheveux tressés garnis de pelles. Kony, lorsqu'il est possédé, communique alors par glossolalie, sous forme de prophéties prises en note par ses secrétaires. Il dicte ainsi sa stratégie militaire qu'il prétend tirer d'esprit chinois, américain, soudanais, aïrois ou nord-coréen, qui transmettent des ordres, décrivent des positions, désignent des cibles. Silly, Silindi, d'origine soudanaise, tracerait la stratégie adoptée sur le champ de bataille. Un autre, chinois, serait chargé de transformer les véhicules militaires et les tanks de l'armée en simple jouet. Ce texte et bien d'autres a été édité par l'Harmattan. Bien sûr, Kony, haute stature et tenue blanche immaculée, reprend quelques-uns des trucs de sa prétendue tante. Par exemple ? Chaque combat est précédé de rituels de purification. Les guerriers de l'armée du Seigneur sont ainsi pourvus d'amulettes et sont oints au beurre de karité, censés éloigner les balles. Des assistants de Kony les aspergent d'eau bénite et leur confient de simples pierres qui, prétendent-ils, sont capables d'exploser comme des grenades. Mais quoi alors, de la part des disciples, voilà, c'est de la naïveté? Ah non, monsieur Penaud, vous êtes trop rationnel. Ces hommes-là sont littéralement possédés et Kony peut leur faire avaler n'importe quoi. Telle est malheureusement la vérité. Et cependant, le pire est à venir. L'horreur, vous voulez dire? Oui, oui. Au début, le gros des troupes et l'encadrement de la LRA, appelons-la comme ça pour simplifier, était composé d'anciens soldats, plus ou moins bien formés. Mais bientôt, à cause des morts sur le terrain et aussi des désertions, Kony va être obligé de recruter. Or, le vivier des soldats professionnels étant à sec, il lui a bien fallu trouver une solution pour regonfler ses effectifs. Et cette solution, eh bien, ce sont les enfants soldats. Il n'est pas le seul à y avoir pensé en Afrique. Hein. Et même dans d'autres pays du monde. En Asie, par exemple. La différence, c'est que Kony va systématiser cette méthode de recrutement. Alors, comment ça se passe? Ces hommes investissent un village et enlèvent les enfants susceptibles de pouvoir porter une arme. Des adolescents, donc? Non, non, non. Pour Kony, on peut être soldat à partir de 8 ans. Et c'est ainsi qu'on verra des gosses armés de fusils plus grands qu'eux. Ces gamins sont donc arrachés à leur famille. Mais inutile de vous dire ce qui arrive aux parents qui s'opposent à ces rapts. Ils sont battus. Et parfois même tués de sang-froid. J'ajoute que les filles aussi sont enlevées. Elles serviront d'esclaves et pour les plus grands, d'esclaves sexuels. Tous sont ainsi transportés jusqu'au camp des rebelles. Là vont garçons et filles subir un apprentissage. Un entraînement ? Oh non, non, ça va beaucoup plus loin. Je vous explique. Il y a d'abord une sorte de mise en condition psychologique. L'enseignement de ce fatras mystico-guerrier mis au point par Connie. Puis pour s'attacher définitivement, ces malheureux gosses, on les oblige à commettre au moins un meurtre, une sorte de rituel de passage. Un meurtre, mais attendez, qui doivent-ils tuer là ? Oh, un de leurs condisciples, ou bien un membre de leur famille, ce qui est encore plus sadique, car l'enfant meurtrier ne pourra plus jamais regagner sa famille ou sa tribu. Ainsi, certains d'entre eux, à peine arrivés au camp de la LRA, ont-ils dû battre à mort, à coups de bâton, la victime qu'on leur a désignée. Ouais. J'imagine que ces enfants seront marqués à vie par cette terrible expérience. Comme le seront les fillettes violées à plusieurs reprises et qui deviendront les épouses des chefs de cette monstrueuse rébellion. Le principe, vous l'imaginez bien, c'est de briser ces gosses et de faire d'eux des machines à tuer ou à satisfaire les désirs sexuels de leurs prédateurs. Et Connie, lui ? Prudemment, il ne couche qu'avec des filles encore vierges. Ouais. La peur du sida ? Évidemment. Et grâce à toute une série de trucs empruntés au théâtre, ou plutôt au grand guignol, il mesure ses apparitions et veille à ne jamais participer au combat ou au razzia. Mmh. Il est au-dessus de la mêlée, quoi. Oui, c'est à peu près ça, oui. Il introduit des règles de vie et de comportement toujours plus absurdes, toujours plus monstrueuses. Par exemple, posséder un cochon, ou pire, marcher sur des déjections de cochons, peut vous valoir une amputation. Mais attendez, comment Connie justifie-t-il ces sanctions hein ? C'est simple. Le cochon est un animal impur qui, en outre, fait perdre toute ardeur au combat. Encore plus fou. La pratique du vélo devient interdite dans les zones où la LRA est présente. Et pourquoi le vélo, là ? Connie considère que la bicyclette est un moyen de communication rapide. Il peut donc permettre à un individu de transmettre des informations à l'armée régulière. Par conséquent, les cyclistes qui tombent dans les mains de la LRA sont aussitôt soupçonnés d'être des traîtres et on leur coupe un pied à la hache avant de détruire leur vélo. De la même façon, lors de leurs sanguinaires apparitions dans les villages, les habitants soupçonnés d'être à tort ou à raison de connivence avec l'armée gouvernementale ont le nez, les oreilles et les lèvres tranchées. Ouais. Mais attendez, ce sont ces enfants soldats qui pratiquent ces horreurs ? En effet. Tous ces gosses qui vivent dans un climat de terreur sont conditionnés. Oui. Et le sang appelle le sang. Oui. Toutes ces opérations sont minutieusement programmées par Connie en personne. Il a en effet mis au point une méthode d'organisation et de combat qui lui permet de résister à l'armée. Mmh. Expliquez alors. L'organisation d'abord. L'armée du Seigneur est divisée en 4 brigades. Chacune comprend des centaines de soldats et sont elles-mêmes subdivisées en unités puis en cellules familiales. Familiales, qu'est-ce que vous voulez dire ? Connie veut reconstituer une sorte de noyau familial. Alors, à la tête de ces petits groupes, on trouve un chef entouré de son ou de ses épouses. Et autour d'eux, il y a les combattants, dont une majorité d'enfants soldats. En général, ces cellules prétendument familiales ne comptent pas plus d'une vingtaine de rebelles. Ça leur permet de se déplacer discrètement, d'attaquer par surprise, puis de disparaître rapidement dans la brousse. Ils sont donc pratiquement insaisissables. Et très mobiles. En une seule journée de marche forcée, ils peuvent parcourir 40 km, malgré les difficultés du terrain. Ça explique en partie l'impuissance de l'armée. Mais en partie seulement. Je reviendrai un peu plus loin sur ce point très intéressant. Ouais, mais n'allons pas trop vite, hein. Parce que c'est vous qui le dites. Alors poursuivons. Les principales victimes de ces atrocités sont les villageois du pays Acholi. Alors même que Joseph Connie avait créé son armée du Seigneur pour leur venir en aide. Hein. C'est juste. Mais Connie, qui ne s'aventure guère en dehors de sa région natale, recrute ses enfants soldats chez les Acholi. On estime qu'il en a enlevé au moins une vingtaine de milliers. Et c'est aussi en pressurant les villageois qu'il peut faire vivre son armée. Enfin, ces pauvres gens sont également victimes de l'armée gouvernementale qui traque les rebelles. Ouais, parce que les soldats de Kampala usent des mêmes brutalités. Bien évidemment. Mm. Par principe, tous ces Acholi sont censés être des partisans de Connie. Alors, ces malheureux Acholi là, sont pris entre deux feux. Et leur situation devient si intenable que beaucoup d'entre eux choisissent de quitter chaque soir leur village afin de rejoindre des camps surveillés par l'armée. Pour échapper aux razzias de la LRA. Et ils reviennent au matin pour s'occuper de leurs bêtes ou de leurs champs. Le phénomène devient tellement commun qu'on parle désormais de migrants nocturnes. En outre, le nombre des réfugiés ne cesse d'augmenter. Des régions entières se dépeuplent. Selon les organisations internationales, on compterait plus d'1,5 million de réfugiés dans des camps gardés par des détachements de l'armée. Autant de malheureux qui ne subsistent le plus souvent que grâce au programme alimentaire mondial. On assiste donc à une véritable catastrophe humanitaire. Ce dont personne ne s'émeut réellement. Comme un peu plus tard, on mettra beaucoup de temps avant de prendre conscience de la situation dramatique du Darfour, cette province mal aimée et oubliée du Soudan. Le Soudan qui, dans cette affaire intérieure ougandaise, joue un rôle qui n'est pas négligeable et où l'on observe un curieux renversement d'alliance. Je reviens à l'article très pertinent de Sandrine Perrault et je lis ceci. À ces déplacements massifs de population s'était ajouté un phénomène migratoire plus temporaire et systématisé dans les districts de Goulou, Kitgoum et Pader depuis quelques années, celui des migrants de la nuit, night commuters. Croisant souvent sur leur route les derniers véhicules militaires rentrant au baraquement, plusieurs dizaines de milliers d'enfants parcouraient chaque soir plusieurs kilomètres à pied avant la tombée de la nuit pour rejoindre les centres urbains plus sécurisés et échapper aux attaques et aux enlèvements de la LRA. Car bien qu'il ne soit plus guère relaté dans la presse, les raptes continuaient. Selon Human Rights Watch et l'UNICEF, 5000 enfants auraient été enlevés entre juin 2002 et mars 2003, contre 100 seulement en 2001, et 3000 entre octobre 2003 et janvier 2005. Le nombre de migrants nocturnes variait au gré de l'insécurité ambiante. Il fonctionnait comme un indicateur sensible de perception des conditions de sécurité rurale par la population locale. À la fin des années 90, les premières vagues de migrants nocturnes logeaient dans les rues, la cour des hôpitaux ou sous les vérandas des maisons, avant que des bénévoles ne transforment l'hôpital de l'accord, celui de Kitgoum, ou les écoles primaires des villes principales en centres d'accueil de fortune. Les relations entre le Soudan et l'Ouganda, déjà souvent difficiles, se sont vraiment dégradées avec l'arrivée au pouvoir du président Museveni. Pourquoi ? Parce que lui n'était pas musulman, enfin, à la différence d'un Amin Dada, par exemple. Et ça s'est traduit assez rapidement dans les années 90, et de façon tout à fait paradoxale. Les musulmans au pouvoir à Khartoum se sont décidés à aider la rébellion chrétienne ou pseudo-chrétienne de Joseph Kony. Alors pourquoi ? Pour nuire à Museveni ? Ah, pas seulement. Surtout en représailles à l'aide apportée par Kampala à la rébellion du Sud-Soudan, dont nous avons déjà parlé il n'y a pas si longtemps, une active, très active même guérilla chrétienne. Le mouvement de John Garang. Et le président soudanais El-Béchir a passé un pacte avec Joseph Kony. Il recevrait des soutiens en vivres et en armes s'il consentait à s'attaquer aux troupes de Garang en coupant ses voies d'approvisionnement qui passent par l'Ouganda. Ouais, donnant-donnant, quoi. Oui. Ouais. Et alors si je résume, est-ce que... C'est un peu compliqué. Un dirigeant musulman demande à un chrétien de prendre les armes contre d'autres chrétiens. C'est bien exactement ça. Exactement, hein, ça. Oui. Et cette hostilité entre les deux voisins ira même si loin qu'ils finiront par rompre leurs relations diplomatiques. En tout cas, c'est ainsi, grâce au Soudan, que la LRA de Kony va pouvoir se constituer une base arrière très utile dans le sud du Soudan, qui jouxte la frontière ougandaise. Une zone où il peut éventuellement se réfugier avec ses troupes en cas d'offensive généralisée de l'armée ougandaise. Hein. Alors justement, parlons précisément de l'action de l'armée. Museveni a clairement choisi l'option militaire pour venir à bout de la rébellion de la LRA. Pas de tentative de négociation. Oh, il y en aura parfois. En 1992, par exemple, Kony, dont l'armée est très affaiblie, propose des pourparlers de paix. Mais pour lui, il s'agit simplement de gagner du temps et de se renforcer et trouver des vivres pour ses combattants. Comme le dit assez plaisamment Museveni, quand l'herbe est sèche, l'armée du Seigneur est disposée à négocier. Mais dès que l'herbe repousse, ben c'est fini. Et donc la guerre continue. En 1996, le président ougandais entreprend une offensive d'envergure. Et pour vaincre, ou au moins faire reculer l'armée de Kony, il décide d'employer l'une des méthodes préconisées par les spécialistes de la guerre contre-révolutionnaire. Comme les Américains au Vietnam, il crée des hameaux stratégiques. Ah oui, c'est-à-dire des camps où l'on regroupe de force les villageois. Hein. Afin de couper l'ennemi de la population, oui. Mais la brutalité employée par l'armée ne fait que rabibocher plus ou moins les paysans à Tcholis avec Conny. Une arme à double tranchant. Donc. Et un échec, au moins provisoire, car Conny, qui aurait pu profiter de ce regain de popularité, multiplie au contraire les exactions et les enlèvements d'enfants. Conséquence, la cote de la LRA baisse à nouveau. C'est d'autant plus préoccupant pour Conny qu'en 2000, le Soudan et l'Ouganda se rapprochent. Ah, ce rapprochement pourrait se faire sur son dos. Évidemment. Alors pour montrer qu'il faut toujours compter avec lui, Conny et ses hommes se lancent à corps perdu dans une vraie fuite en avant. Dans une région déjà atteinte par une épidémie de fièvre Ebola, les enfants soldats se livrent à de véritables massacres des populations nordistes accusées de collaboration avec l'ennemi. Et ce rapprochement soudano-ougandais se précise ? Oui, et de façon assez spectaculaire. Les deux pays conviendront de l'instauration d'une ligne rouge qui permettra à l'Ouganda d'intervenir jusqu'à 100 km à l'intérieur du territoire soudanais. Quoi, pour en chasser les troupes de Conny ? Et démanteler les camps qui y sont installés, c'est en effet l'objectif. Et c'est ce qui va être réalisé ? En février-mars 2002, nom de code de l'opération, Iron Fist. Point d'acier. Et l'intrusion de l'armée ougandaise en territoire soudanais. Avec l'accord de Khartoum, donc. Oui, oui, oui. Cette opération va être présentée comme un franc succès. Mais la réalité est un peu différente. Pourquoi ? D'une part, Conny, qui a sans doute des espions à Kampala, a été prévenu. Et il a eu le temps de déplacer ses troupes encore plus au nord. Toujours au Soudan, donc. Hein. Donc l'armée ougandaise n'a trouvé devant elle que des structures vides de combattants. Et puis surtout, dès que les militaires auront quitté le terrain, Conny, qui ne se sent plus très en sécurité au Soudan, va revenir en Ouganda. Ah oui, alors les massacres de populations civiles vont recommencer. C'est la triste réalité. Mmh. Autre chose, comment expliquer ce revirement du Soudan là ? Oh, c'est très simple. L'Ouganda est maintenant fermement soutenu par les États-Unis. Et le président El-Béchir a sans doute eu peur de se fâcher définitivement avec Washington, qui l'accuse déjà d'héberger chez lui des camps terroristes. D'ailleurs, la LRA figure maintenant sur la liste états-unienne des organisations terroristes. Alors, oui, on peut simplement regretter que la fermeté américaine, dans ce cas, ne se soit pas manifestée dans la question du Darfour en obligeant les dirigeants soudanais à cesser de soutenir les criminels qui ravagent cette province. Certes. En tout cas, pour revenir à Conny, comme les choses ne sont jamais immuables dans la région, on va assister à un nouveau retournement de situation. Alors, c'est quoi ? Khartoum se réconcilie rapidement avec le chef de la LRA. Mais pourquoi ? Mais parce que les chrétiens du sud soudanais viennent à leur tour de lancer une grande offensive et en fait une percée importante. Ah oui ? Et El-Béchir a besoin de Conny pour juguler cette avancée, c'est ça ? Vous avez deviné. Et ce rapprochement conjoncturel permet à la LRA de récupérer des armes. Mais pas les bases qu'elle a perdues au Soudan. Cependant, cela ne l'empêche pas de continuer à semer la terreur dans le nord de l'Ouganda, et même dans des districts où elle n'avait encore jamais sévi, avec toujours le même cortège d'atrocités. À tel point qu'un responsable de l'ONU évoque l'un des pires désastres humanitaires du monde. Ouais. C'est donc toujours la guerre. Et incontestablement, l'armée ougandaise manque des points. Plusieurs chefs de la LRA sont abattus. Et en juillet 2004, Conny lui-même échappe de peu à la capture. Les effectifs de son armée ont considérablement fondu. Combien sont-ils encore alors ? On estime qu'il n'y a plus que 2000 combattants. Et parmi eux, il y a trois quarts de femmes et d'enfants. Et beaucoup de ces rebelles sont passés au Congo voisin. L'ancien Zaïre et Congo belge. Et là, ils doivent faire face à un nouvel adversaire, les casques bleus. Et c'est au cours d'un engagement sur le territoire congolais que 8 d'entre eux, des Guatémaltèques, sont tués par la LRA. Est-ce que ça change la nature du conflit ? Fondamentalement, non. Sauf que la situation sur le terrain devient de plus en plus confuse. En effet, on voit apparaître des milices armées chargées, en principe, de protéger les civils contre la LRA. Mais ces milices se conduisent avec la plus grande brutalité. Et comme d'habitude, ce sont les populations qui payent le prix fort. Cependant, alors que Museveni et son gouvernement ne cessent d'appeler au cessez-le-feu et évoquent même une éventuelle amnistie, un événement va changer la donne. La Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre Conny et 4 de ses lieutenants. À la demande de Museveni ? Bien entendu. et ça ne peut que pousser Kony à poursuivre le combat. Ah oui, car s'il est arrêté, il risque de passer le restant de sa vie derrière les barreaux. C'est donc une initiative inconciliable avec la volonté de Museveni de faire la paix. Alors vous soupçonnez ce dernier de duplicité ? Ça me semble évident. Et Kony répond qu'il est effectivement prêt à déposer les armes, à condition de ne pas être transporté à La Haye où siège la Cour pénale. Donc c'est l'impasse. Et même si un accord est signé en 2006 entre la LRA et Kampala, il est évident que la paix n'interviendra pas tant que Kony sera sous la menace des poursuites de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, le chef de l'armée du Seigneur a annoncé son intention de reprendre les combats. Mmh. En a-t-il les moyens ? Certes, il est très affaibli, mais il conserve encore de fortes possibilités de nuisance, d'autant qu'il se joue des frontières entre le nord de l'Ouganda, le Congo, le Sud-Soudan et maintenant la République centrafricaine où certains de ses soldats ont récemment pénétré. Alors, je reviens moi sur cette éventuelle duplicité de Museveni. Le président ougandais aurait-il intérêt à prolonger la guerre ? Je le crois. Objectivement, il faut observer que la guerre limitée au nord du pays dans les districts les plus pauvres n'a nullement empêché l'Ouganda de connaître une exceptionnelle avancée économique. D'autre part, la perpétuation du conflit a permis à Museveni de militariser encore un peu plus son pays, grâce en particulier à l'aide des États-Unis, qui ont fait de l'Ouganda une puissance régionale engagée dans la lutte contre l'islamisme. Et le terrorisme. Hein. Oui. Alors si je vous entends bien, les autorités ougandaises auraient instrumentalisé la guerre. C'est ce que je crois. Ouais. Au fond, ça les arrangeait bien. Enfin, ce n'est pas négligeable, cet état permanent de guerre a justifié des incursions ougandaises en République démocratique du Congo. Ce très riche ex-Zaïre qui regorge de richesses minières. Vous comprenez mieux maintenant ? Pour finir, je me réfère à un article du Monde diplomatique, paru en 1998 sous la signature de Michel Arsenault, qui conforte d'abord la thèse de M. X et donne ensuite un éclairage intéressant sur ce qu'on a appelé la guerre magique. Certes, les facteurs économiques ont joué. La guerre en pays Acholi, l'une des régions les plus pauvres d'Ouganda, est une bonne affaire pour l'armée. Certes, l'aide du Soudan, base arrière du mouvement de Joseph Kony, est essentielle. Mais l'emprise des esprits sur les esprits. Déjà en 1965, au Congo-Kinshasa, Che Guevara s'était étonné dans son journal de guerre de l'importance que ses camarades, pourtant marxistes, accordaient à la dawa, une protection surnaturelle. Au Zimbabwe, pendant la guerre de libération, au Mozambique contre la RENAMO et au Soudan, dans les rangs de l'APLS sudiste, des combattants n'ont pas hésité à faire appel aux esprits. Récemment, alors que les troupes de M. Laurent-Désiré Kabila occupaient l'est du Zaïre à la fin de 1996, des enfants soldats Maïmaï se pensaient à l'abri des balles parce que aspergés d'une eau qui les rendait invincibles. L'ethnologue allemande Heike Behrend, l'une des seules à s'intéresser à cette guerre magique, avoue avoir envisagé d'abandonner l'objet de son étude par crainte de donner dans des stéréotypes trop proche de certaines images coloniales de sauvages, violents et guerriers. Et cette ethnologue allemande explique aussi que ce sont davantage des prophètes et des médiums que des politiciens et des chefs de parti qui sont à l'origine et à la tête des nouveaux cultes et mouvements. L'Afrique continue à inventer, dans un dialogue avec Dieu, les dieux et les esprits, sa propre modernité.